Pourquoi y a-t-il des bonnes fatigues ? Il y a dans la vie ordinaire une expression courante qui doit toujours nous surprendre et que pourtant nous employons quasiment quotidiennement. Nous disons parfois quand nous sommes fatigués, mais là c'est une bonne fatigue. Qu'est-ce que nous entendons par là quand, par exemple, un enfant a fait du sport et se retrouve fatigué, affamé, épuisé et on lui dit, bah oui, mais là c'est une bonne fatigue, tu peux aller te coucher tranquillement, tu vas récupérer, tu vas te reposer, c'est la bonne fatigue de la vie ordinaire. Mais pour comprendre ce qu'est une bonne fatigue, il faut évidemment l'opposer à la mauvaise et il faut aussi comprendre ce que c'est qu'une fatigue en général. Qu'est-ce que c'est que la fatigue et pourquoi joue-t-elle un rôle si profond aujourd'hui dans nos sociétés ? On peut dire que la fatigue est structurelle, la fatigue est inévitable. C'est d'ailleurs au sens physique du terme, dans la science physique, c'est ce qui désigne la déperdition d'énergie dans un travail. La fatigue est liée au travail, dans un effort qui a par ailleurs quelque chose de positif et même dans la vie humaine de constructeur. Dès que nous dépensons de l'énergie pour viser un but, cette dépense d'énergie est aussi en elle-même une fatigue. C'est même la définition de la fatigue. La fatigue est donc la contrepartie de quelque chose de positif, d'un effort, d'un travail qui crée, qui change quelque chose dans le monde et qui, dans la vie humaine, est voué à avoir un sens. Ainsi, on peut dire que la fatigue est inévitable, mais celle que nous appelons bonne, c'est celle justement qui est dotée d'un sens, dont l'aspect positif l'emporte sur l'aspect négatif, et même dont l'aspect négatif est aussi un aspect d'entraînement, un aspect de renforcement, par exemple d'un corps qui, en apprenant à surmonter sa fatigue, quand on lui donne de quoi la réparer, quand il y a un soin autour, eh bien, revient le lendemain faire sa tâche dotée de sens, avec la conviction que le négatif est réparé en vue du positif lui-même qui garde un sens et qui lui donne un sens. C'est cela que nous appelons une bonne fatigue. Une fatigue qui met à l'épreuve le corps dans ce qu'il a aussi d'une bonne expérience de lui-même et du sentiment d'être vivant jusque dans le négatif lui-même. En revanche, qu'est-ce que nous appelons donc une mauvaise fatigue, une fatigue destructrice ? Une fatigue destructrice, c'est une fatigue dont la contrepartie positive a disparu, dont le sens semble vain. Et ce n'est pas par hasard que la mauvaise fatigue est toujours liée au sentiment de vanité, au sentiment de répétition, à cette forme de fatigue qui s'appelle la lassitude. La lassitude, c'est le sentiment de la répétition sans nouveauté, de la répétition immuable du même. C'est donc une fatigue psychique en elle-même qui rencontre la vanité de son effort, la vanité de tout effort. C'est cela la lassitude. Et dans nos sociétés, quand nous parlons d'une fatigue aujourd'hui, c'est souvent devant la répétition de catastrophes ou de dangers qui ne semblent plus laisser la place à la construction positive de quoi que ce soit, au sens de l'effort qui implique la dépense d'énergie, comme s'il n'y avait plus de contrepartie positive, de reconnaissance, de valorisation de la face de ce qui entraîne évidemment aussi un effort négatif, mais qui peut largement le compenser quand nos fatigues ont un sens. On a donc raison, dans la vie ordinaire, de veiller à nos bonnes fatigues, de veiller à ce que nos fatigues aient quelque chose de bon et de lutter contre les mauvaises fatigues qui contribuent au désespoir.